Bonjour. Je dois remercier Anne-Madeleine Goulet qui avait fait la traduction de cette communication, qui est la première fois que je donne une communication en français. L'un des objectifs du présent colloque est d'étudier les espaces de manifestations artistiques dans toute leur diversité, de mettre en évidence leur importance relative, les liens que les unissent, leurs besoins et leurs problèmes. Dans cette communication, je souhaite insister sur le fait que l'on rencontrait souvent les mêmes artistes dans ces différents foyers. Cette prise de conscience s'avère d'autant plus importante lorsque l'on considère les relations entre ces espaces à Paris et à l'étranger. Alors que les conditions d'origine et celles de l'accueil des musiciens voyageurs sont fréquemment étudiées, les itinéraires suivis sont, eux, trop souvent négligés. Si l'on prend en considération les chemins empruntés, les personnes rencontrées tout au long du voyage et la possibilité qu'il n'y ait pas de destination finale, dans quelle mesure peut-on modifier notre conception du travail des musiciens? De quelle manière la mobilité des artistes affecte-t-elle les notions de genre ou de style? Adopter une vision plus personnelle, plus terre-à-terre, peut offrir une perspective totalement différente sur les concepts de changement stylistique. Autrement dit, subsistance rime souvent avec itinérance. Le concept de goût ou de genre passe au second plan lorsque l'on prend conscience que les mêmes musiciens travaillaient dans des cadres et des lieux géographiques très différents. Nous avons donc intérêt à considérer à la fois les facteurs de répulsion et de l'attraction. Qu'est-ce qui pousse les musiciens d'un endroit à l'autre? Quelles opportunités s'offrent à eux? Comment les musiciens étaient-ils informés de ces opportunités? Qu'est-ce qui poussait ou incitait les gens à embaucher certains types de musiciens? Quoique les frontières aient pu être poreuses, ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Un emploi permanent à la cour restait un rêve et un objectif pour beaucoup de musiciens. Mais je crois important de considérer sur quoi reposait cette hiérarchie. Certainement pas sur une notion de loyauté envers un patron particulier, ni sur une hiérarchie des genres musicaux. Un musicien qui avait joué à la cour pouvait tout aussi bien jouer dans un opéra, dans un théâtre ou pour un dîner. C'est à quoi on aspirait manifestement le plus, était la promesse d'un emploi stable pour jouer une musique intéressante. Adopter une approche fondée sur les pratiques, c'est-à-dire centrée sur les expériences et les ambitions des artistes, peut en effet remettre en cause nos certitudes en matière de classification par genre. Il est possible aussi que cette approche déstabilise les hiérarchies géographiques auxquelles nous avons été habitués, lesquelles placent Paris ou Versailles au centre. Et pourtant, jusqu'à présent, nous n'avons qu'une piètre compréhension des relations entre les passeurs culturels. L'absence de témoignages a longtemps freiné notre compréhension des liens qui unissaient les artistes sur le terrain. Les documents officiels peuvent nous dire qui était où et quand, mais il est rare d'obtenir une vision plus individuelle de la vie quotidienne d'un interprète, de ses amitiés et de ses relations. C'était le cas jusqu'à ce jour. Imaginez un petit coffre de voyage en bois, couvert de seaux de cire douanier et imperméabilisé grâce à de la peau de phoque. Le genre de coffre qui peut être facilement placé à l'arrière d'une diligence. Un cadenas de fer en préserve le contenu. Lorsqu'on soulève le couvercle voûté, on découvre une garniture de lin. Et le coffre est rempli, débordant de près de 3000 lettres, ainsi que de la paperasse minutieuse d'un maître de poste du début de l'époque moderne. En 1926, un tel coffre fut acheté par le musée des communications de La Haye. Si le coffre en lui-même est déjà remarquable, son contenu, lui, est vraiment extraordinaire. Des lettres envoyées de l'Europe entière entre 1688 et 1706, dont aucune ne fut jamais remise à son destinataire. Les lettres se répartissent en deux catégories, environ 800 lettres encore cachetées et environ 2000 lettres ouvertes, conservées pliées. Le coffre appartenait aux maîtres de poste les plus actifs de l'époque, Simon Veilhomme, mieux connu sous le nom de Simon de Brienne, et son épouse Marie-Germain. Originaire de France, Brienne émigra aux Provinces-Unies en 1669. De 1676 à 1707, Brienne et sa femme furent les maîtres de poste de toute correspondance vers et en provenance de la France, des Pays-Bas espagnols et de l'Espagne. Pourquoi ces lettres ne furent-elles jamais remises à leur destinataire? À l'époque, c'était au destinataire qu'il incombait de payer les dépenses d'affranchissement et de port. Si le destinataire était décédé, absent ou pas intéressé, aucun frais ne pouvait être perçu. Les maîtres postiers détruisaient généralement de telles lettres mortes. L'expression est attestée pour la première fois en 1703. Mais les Brienne les conservent, mus par l'espoir que quelqu'un viendrait les récupérer et payer l'affranchissement. C'est pourquoi ils appellèrent ce coffre leur tirelire. Sportpoche. Ce coffre de lettres jouait par conséquent le rôle d'un compte d'épargne pour ses propriétaires et d'un coffre au trésor pour moi-même et mon équipe de chercheurs. Je voudrais souligner que l'étude de la correspondance exige une exploration en trois volets. Celui de la matérialité, celui du milieu et celui du contenu. Le coffre confronte les chercheurs à une diversité de matériel et de graphie, nécessitant un examen éclairé. La collection dans son ensemble consigne les pensées, les préoccupations et les rêves d'une coupe transversale de la société. Les lettres ne sont pas faciles à lire. L'écriture en est souvent confuse. Les scripteurs observent une orthographe phonétique dans leurs dialectes locaux et les mots se succèdent tels qu'ils auraient été prononcés, même chez les scripteurs expérimentés. À vrai dire, on peut considérer ces lettres comme la transcription d'une tradition orale. Sans aucun doute, les compétences variées que révèle la collection témoignent de la diversité des milieux sociaux auxquels les scripteurs appartenaient. Et il n'est pas étonnant, au regard de la grande mobilité des artistes, que j'ai déjà découvert une centaine de lettres adressées à des artistes, écrites par des artistes ou parlant d'artistes, dont 60 étaient ouvertes. Ces archives entièrement inédites révèlent un aspect de la vie musicale sur lequel on sait fort peu de choses, la vie ordinaire de l'artiste ordinaire. De Paris à La Haye, de la Lettonie à Londres, comédiens et musiciens travaillaient ensemble, jouaient ensemble et s'intéressaient les uns aux autres. Ils échangeaient des souvenirs, des ambitions et du fromage. C'est vrai. Leurs parents déploraient l'état de leur âme. Leurs épouses restaient en France à la maison, se préoccupaient de leurs problèmes financiers. Les artistes se plaignaient de l'opéra à Paris ou se moquaient de l'opéra chimérique que démarrait projeté de créer à Madrid. Grâce à cette collection de lettres, on repère un certain nombre de réseaux. Le lien le plus fréquent est le lien familial. Voici une lettre du danseur et chorégraphe Charles Debargue qui illustre clairement l'étendue des liens familiaux qui maintenaient les artistes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'espère, l'enveloppe est adressée à Mademoiselle Diard, une chanteuse d'opéra et de théâtre. Lorsqu'on ouvre l'enveloppe, on ne tombe pas sur une lettre envoyée à cette demoiselle Diard, mais sur une autre enveloppe, adressée, elle, à un frère de Debargue. Monsieur Debargue chez Monsieur de la Crosse, at the upper end of Monmouth Court in Hedgeland à Londres. D'une façon ou d'une autre, Charles savait que Mademoiselle Diard se rendait à Londres. Il est pour le moins surprenant que Debargue ait été à l'informer à ce sujet, étant donné l'endroit où il se trouvait alors. Depuis Lodi en Lombardie, Charles écrit à son frère qu'il aimerait aller à Londres, en réponse manifestement à une offre d'emploi que lui avait été faite, mais il est impossible. Charles et ses sœurs partiront pour la cour de Savoie et ensuite pour les opéras de Gênes et de Venise pour faire des ballets. Pourtant, malgré le cachet assuré par ses différents emplois, Charles affirme à son frère qu'il préférait ne pas être engagé parce que cela ne lui laisse pas assez de temps pour retisser les liens familiaux. Comme vous l'avez peut-être compris en entendant cette histoire, il semble que le clan Debargue fournissait en danseur la plus grande partie de l'Europe occidentale. À partir de 1709, Charles allait devenir le danseur et chorégraphe principal de la cour de Saxe. Hélas, la lettre de Charles ne parvint jamais à Londres, car le bateau de Mademoiselle Diard avait apparemment déjà pris la mer. Le maître de poste a noté « absent », car, comme le prouve une autre lettre de la collection, Mademoiselle Diard était en Angleterre, selon toute probabilité avec la troupe française de comédiens de l'impresario Jean-Jacques Quesnot de la Chenée, ce qui permettrait de dater la lettre de 1705 ou environ. Les déplacements n'étaient pas toujours volontaires. Une femme anonyme qui écrit depuis Paris à un riche marchand juif à La Haye offre un exemple particulièrement poignant. Elle lui explique qu'elle écrit pour le compte de notre ami qui est de vous, afin de demander une faveur. Priez, monsieur, d'employer tous vos soins pour la faire rentrer à l'opéra. Je crois qu'il faudrait pressentir le sieur des Échaliers et tâcher de lui faire naître l'envie de la ravoir, sans témoigner que c'est elle qui le souhaite, de crainte qu'il ne se tînt fier à cause des démêlés qu'ils ont eus ensemble. Il semble pourtant que les démêlés avec le directeur de l'opéra de La Haye, Louis des Échaliers, ne furent pas la vraie cause du départ hâtif de cette femme. Elle ne fut pas plutôt arrivée qu'elle reconnut la faute qu'elle avait faite. Vous devinerez sans peine la véritable cause de sa douleur. Je ne puis mettre en si peu d'espace ce que je pourrais vous dire. Contentez-vous de le penser et de lui redonner la vie en lui procurant son retour. Il n'est peut-être que trop facile de deviner la véritable cause de sa tristesse. Ce départ précipité fut assurément provoqué par une grossesse. Et le destinataire qui refusa la lettre était probablement le père de l'enfant. Jerk. On peut toutefois se demander pourquoi cette femme souhaitait tellement retourner à La Haye. N'aurait-elle pu trouver un emploi à l'Opéra de Paris? Quoique la lettre ne soit pas datée, elle remonte probablement à 1703 ou à 1704, c'est-à-dire à une époque où l'Opéra de Paris était dans un état financier critique. En effet, plusieurs lettres de la collection Brienne transmettent des rumeurs à propos des conditions de travail déplorables de l'opéra. Comme un artiste de l'opéra le note dans une autre lettre, Les danseurs de cordes gagnent plus que nous. Aux yeux de ces artistes, du moins, il ne faisait guère bon être à Paris en ce début du XVIIIe siècle. Comment obtenir un bon emploi et ce qui caractérisait un bon emploi est expliqué, on ne le peut mieux, dans une lettre de novembre 1698 écrite par le bassiste Jean-Baptiste de Groux ou de Croux. De Groux avait été au service du duc de Coulon. À la mort du duc, en janvier 1698, l'orchestre fut congédié et les musiciens jetés sur le pavé. La lettre que De Groux adressa à son ancien collègue Gaufflet, lequel se trouvait désormais au Théâtre français de La Haye, raconte ce qui lui arriva après qu'ils se furent séparés. Pour moi, je suis avec une troupe de comédiens présentement à Tours, en attendant qu'il se présente quelques meilleures occasions. J'aurais bien mieux fait d'avoir resté avec vous en Hambourg. Je n'aurais jamais cru que M. Gaillard en aurait usé avec moi de la manière dont il m'a trompé. Depuis qu'il avait quitté Coulon, la vie n'avait pas été facile pour De Groux. Pour vous mander le détail du voyage de ma femme et du mien, il faudrait une main de papier. Il suffit que nous nous portons bien tous, Dieu merci, après avoir mangé tout mon argent en voyage. On avait apparemment promis un travail à De Groux sans que cela ne se concrétise. Aussi s'était-il rendu à Bruxelles afin d'obtenir une place dans la compagnie d'opéra que Giovanni Palombada projetait de monter, laquelle allait devenir l'opéra du Théâtre de la Monnaie. Ayant échoué à Bruxelles, il se rendit à Paris, mais le seul travail qu'il put trouver en France fut celui de musicien dans une troupe de théâtre à Tours. Tours n'était pas l'endroit idéal. C'est pourquoi De Groux, par cette lettre, cherche à trouver un emploi partout ailleurs, et plus particulièrement à La Haye. Il demande à son vieil ami... S'il se présentait quelque occasion dans votre quartier et que vous me le veuilliez faire savoir, vous me ferez plaisir. Au carême, je tâcherai de trouver une meilleure troupe que celle où je suis présentement. La lettre de De Groux est en effet pleine de nostalgie et d'espoir en des temps meilleurs. La lettre contient de nombreuses salutations à des collègues qui travaillaient alors à La Haye. La fin de sa lettre est particulièrement émouvante. Monsieur Dupont, mon cher camarade bassiste, où est le temps que nous allions le matin chez Coq et l'après-midi chez Le Poule, prendre la pipe? Dans ce temps-là, il ne nous manqua pas d'argent. Je prie Dieu qu'il nous envoie un autre maître, aussi bon que le Dauphin, duc de Courlande. Au cas où vous ne le sauriez pas, le domaine de Friedrich Casimir Kettler, duc de Coulon et de Sémégalie, était un petit état de la Baltique, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Lettonie. Le duc y entretenait une petite cour fabuleuse, tellement fabuleuse qu'il fut contraint de vendre aux Anglais l'île de Tobago, aux Antilles, afin de couvrir les dépenses qu'entraînait son style de vie extravagant. Rien d'étonnant à ce que De Groux ait connu des problèmes d'argent dans un tel endroit. De Groux allait finir par trouver un autre travail la saison suivante, à Metz. De là, il retourna dans le nord, où il rejoignit en 1699 la troupe de Rosidor, qui se rendait à Stockholm. Il n'oubliait pas ses amis de La Haye. En fait, un ami contrebassiste auquel De Groux fait référence dans sa lettre comme « mon ancien ami, Robert de la France », fut aussi employé par la troupe de Rosidor à La Haye, peut-être sur la recommandation de De Groux. Bien que la lettre de De Groux ne soit jamais parvenue à son destinataire, les connexions furent maintenues grâce à d'autres lettres, aujourd'hui perdues, des lettres qui servaient à raviver les liens d'amitié et de camaraderie par-delà de longues distances. Cet instantané de la vie d'un musicien itinérant fait émerger plusieurs thèmes de réflexion. les connexions longue distance maintenues par les musiciens, le fait qu'ils continuaient à se soucier les uns des autres sur le long terme, l'importance des expériences qu'ils avaient partagées. Il révèle aussi la hiérarchie des emplois. Un emploi stable dans une cour était ce qu'on désirait le plus. Lorsqu'on ne pouvait en obtenir un, on préférait les grandes villes. Si cela ne marchait pas non plus, on finissait par accepter de travailler avec une troupe de comédiens dans une ville plus petite, qu'on essayait ensuite de quitter au plus vite. Mais on doit aussi prendre en compte le type et la qualité de la musique que du groupe pouvait espérer jouer en ces différents foyers. En tant que musicien d'une petite cour, il aurait été responsable de musique variée, de la musique de chambre instrumentale à la musique de scène, en passant par l'opéra et la musique sacrée. Par conséquent, ses responsabilités seraient déployées sur un registre très varié, tout en lui laissant suffisamment de temps pour fumer la pipe avec des membres de la troupe de comédiens en résidence. Une compagnie d'opéra comme celle qui se trouvait à Bruxelles, lui, aurait également fourni un travail excitant et stimulant musicalement. Mais à cause des restrictions toujours en vigueur dans les compagnies théâtrales en France, les activités du groupe dans un endroit comme Tours auraient été très limitées. Le répertoire de telles compagnies comprenait de la musique, mais il est certain que cette musique ne jouait qu'un rôle d'accompagnement. Voilà en partie ce qui augmentait la force d'attraction d'une vie entre étrangères comme la haie. Tandis que les compagnies qui travaillaient hors de France tendaient à s'aligner sur les restrictions en vigueur en France et n'allaient pas au-delà de deux chanteurs, il n'y avait en revanche aucune limite au nombre de musiciens qu'elles pouvaient engager. La plupart de ces musiciens étaient recrutés localement, quoiqu'un bassiste tel de groupe pût espérer être un membre permanent de la troupe. En 1698, de Groot put profiter d'une mobilité d'une sorte particulière, simplement parce que la guerre n'entravit pas les déplacements. La guerre de succession d'Espagne allait sévèrement réduire les possibilités de voyage. Deux lettres de 1702 de Nicolas Beaujean à son frère Philippe à La Haye illustrent le genre de défis auxquels devaient répondre des musiciens habitués jusque-là à voyager. Écrivant de Nancy et de Lunéville, Nicolas décrit à son frère les conséquences de la guerre sur sa capacité à communiquer et à trouver des musiciens. J'ai reçu la vôtre avec bien du plaisir. Je serais encore plus de vous voir ici. Mais je vous dirais que je n'ai pas pu vous faire tenir de l'argent à cause de la guerre et que je ne trouve personnel. Et de plus que nous ne sommes guère à Nancy. Nous sommes le plus souvent, pendant tout l'été, à Lunéville, qui est le lieu de plaisance où leurs altesses royales sont. Il exhorte ensuite son frère à venir jouer à Lunéville, où un bon contrebassiste fait défaut. Il explique que M. Renaud, le maître de chapelle de la cour de Lorraine, est frustré parce que... Leurs altesses lui demandent toujours des concerts, mais comme il n'y a point de basse pour accompagner, on ne peut pas en faire. Philippe n'aurait pas eu à apporter d'instrument, car il y en avait un qui l'attendait. Si vous avez une basse, vendez-la, car il y en a une que l'on vous donnera, qui est à son altesse, qui est fort bonne. Mais bien bonne, car c'est ici le pays aux bonnes basses. D'autres raisons poussaient toutefois Nicolas à suggérer à son frère de ne pas apporter d'instrument. Il craignait qu'il ne fût victime de voleurs. Et pire encore, son frère devait éviter de passer par Paris, car l'un de leurs amis avait été enrôlé de force alors qu'il traversait la ville. La lettre de Nicolas est en effet pleine d'inquiétude. Mon frère, s'il y a du risque, ne vous hasardez pas, car je serais bien fâché du malheur qui vous pouvait arriver sur les chemins. Si vous voulez avoir un passeport de son Altesse royale, je vous en envoie un. Mandez-le-moi. Après 1701, la capacité ou non d'obtenir des passeports limita sévèrement la mobilité des artistes. En sus du danger d'être enrôlé ou détroussé, le musicien était souvent dans l'incapacité d'obtenir des passeports des autorités, en partie parce que les dites autorités ne cessaient de changer de camp. Tous ces facteurs devraient nous alerter sur la façon dont les aspects pratiques pesaient sur le marché musical. En fait, nous aurions intérêt à reconsidérer le personnel instrumental européen du point de vue des personnes déplacées ou de celles qui souhaitaient l'être, mais en étaient empêchées par les vents, fussent-ils ceux de la guerre ou de la mer. Tenir compte de telles transpositions pourrait remodeler notre compréhension de la scène musicale, laquelle doit peut-être bien plus aux musiciens professionnels ordinaires, comme Dugroux ou Beaujean, qu'à tous les efforts des compositeurs. L'étude de la matérialité, des contextes et du contenu de l'être comme celle-ci offre une petite avancée vers une meilleure compréhension du marché professionnel de la musique dans cette époque charnière. Ces lettres nous donnent un aperçu de l'univers relationnel d'artistes qui se connaissaient bien, qui aimaient travailler ensemble, qui essayaient d'avancer ou de s'en sortir, qui se souciaient les uns des autres en cas de difficulté. Ils étaient en quelque sorte les citoyens apatrides d'un monde cosmopolite, celui de la nation du théâtre ou de la république de la musique. Merci.